Don Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, voici les grands titres de ce journal. La commission Vérité et Réconciliation a commencé l'exhumation des corps de personnes enterrées dans de fosses communes. L'activité qui a débuté par la province de Mwaro devrait se poursuivre dans tout le pays. Correspondance dans ce journal. Pour les psychologues, ce travail est très délicat et devrait commencer par la sensibilisation de la population pour éviter que des gens tombent dans la dépression. Et en réponse à la déclaration du Parlement de la francophonie réunie au Québec, au Canada début février de cette année, le Parlement burundais se dit très préoccupé par les sanctions prises par les pays partenaires et ayant paralysé divers secteurs dont celui de la santé. Et le directeur général de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, appelle les employeurs à calculer correctement les cotisations de leurs travailleurs sur des bases légales. Et dans le reportage du jour, nous irons à Gitega pour évoquer les violences basées sur le genre et dont sont victimes principalement les enfants scolarisés, surtout au chef-lieu de cette province. Léon Vitalio a été à Gitega pour nous, il viendra nous en parler à la fin de ce journal. Rebonsoir, c'est ce lundi que la commission Vérité et Réconciliation en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge ont lancé à Mwaro les travaux de fouilles et des fosses communes où ont été jetés certains corps de Burundais assassinés pendant les crises qui ont endeuillé le pays. La secrétaire générale de la commission, la CVR, a indiqué qu'après Mwaro, cette opération se poursuivra dans d'autres provinces du pays. Les détails avec notre envoyé spécial à Mwaro, Evariste Nzikobanyanga. Ces travaux de fouilles des ossements des personnes assassinées pendant la crise qu'a connue le Burundi ont été lancés ce lundi sur la colline Gasenyi de la zone Makamba en commune Rusaka. Une équipe de la CICR dirigée par Dr Tania Delabarde, de nationalité française, déterre des ossements et les conserve dans des caisses appropriées. Les habitants d'Omgaro qui étaient venus voir le déroulement de cette opération, certains ont indiqué à la presse que ces ossements sont des personnes tuées pendant la crise de 1972. Sinzinkayolonidas de Nyamungari, en zone commune Rusaka, indique que son père a été tué et enterré sur les lieux. Lunda Sinzinkayo indique que ceci a eu lieu en 1972, que même son père a été tué et enterré sur les lieux. Il ajoute que quand ils ont été au courant de cette situation, ils ne se sont pas rentrés dedans pour se venger. Lunda et ses voisins trouvent que c'est le régime d'alors qui a commis ces actes ignobles. Certains se sont posé la question de savoir pourquoi cette opération a été lancée en province Mwaro. La réponse est de la secrétaire générale de la CVR. Clotilde Niragira indique que c'est en réponse de la promesse à l'endroit de la population de Mwaro. Vous le savez, la fois passée, on a été interpellé comme quoi il y a une fosse commune ici en province Mwaro, commune Rusaka, zone Makamba, c'est sur cette colline de Gasenyi. Nous sommes venus ici et puis nous avons échangé avec la population. Nous avions promis que la commission Vérité et Réconciliation va s'organiser pour pouvoir commencer les travaux de protection de cette fosse commune. Ce n'est même pas une fosse commune, apparemment ce sont des fosses communes. Je le dis par rapport aux premières indications que nous venons de découvrir. Et puis on avait promis également de venir procéder aux premières fouilles pour pouvoir déterrer les restes humains afin de nous préparer pour les enterrer dignement. Mais ce sera un travail ultérieur. Madame Clotilde Niragira ajoute que c'est un travail qui va se poursuivre dans d'autres provinces du pays après Mwaro. Il est difficile de savoir combien des ossements des personnes déterrées ce lundi, car c'est une opération qui se déroule à huis clos. Mais l'équipe de la CICR, en collaboration avec la CVR, ont indiqué à la presse que le résultat sera porté à la connaissance du public à la fin des travaux. Depuis Mwaro, Evariste Nzikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci Évariste. Déterrer les corps des gens entassés dans des fosses communes pour leur offrir une sépulture digne est une très bonne initiative qui valorise l'être humain. Mais selon Pierre Claver Ndjejimana, psychologue, il faut au préalable sensibiliser la population sur cela afin de prévenir la dépression qui peut s'en suivre auprès des parents et des victimes. Suivez-le au micro de Christella Nizikama. La commission Vérité et Réconciliation a débuté une activité pour moi très importante, dans ce sens qu'il s'agit d'abord de valoriser ou de revaloriser la personne qui a été enterrée d'une façon indigne, mais quand même c'est une activité qui nécessite une souplesse de la part des gens qui composent la commission. Avant de se rendre sur le terrain, il s'agit de penser d'abord à une sensibilisation des traumatisations au niveau de la population. Informer la population de la localité que le gouvernement ou la mission du gouvernement est en train de mettre en place une activité de revalorisation des leurs qui ont été enterrés d'une façon indigne. Comme ça, une fois la population sensibilisée, je pense que c'est une manière d'abord de prévenir la dépression si l'information est bien lancée par les gens de cette commission. Mais si, évidemment, cette commission n'organise pas ces descentes de sensibilisation et de détraumatisation, il y a un risque justement de sombrer dans la dépression. Quel message pouvez-vous donner si un comportement de dépression se manifeste dans cet endroit? Oui, donc à la population de comprendre que normalement, lorsque vous avez perdu un membre de la famille, donc être dans un moment d'angoisse, c'est normal. Mais comment gérer l'angoisse? Les membres de la famille doivent se mettre ensemble pour soutenir la personne qui a connu cette dépression. Donc, il s'agit d'une reviviscence d'un événement traumatisant. Et si cet événement traumatisant revient, il faut que la famille, l'entourage, soit à côté de la personne traumatisée pour lui donner quand même des messages thérapeutiques, si je peux utiliser le terme, pour que la personne ne puisse pas se sentir un peu isolée. Pierre Claver Ndjedjimana, il est psychologue. Le Parlement burundais exprime sa vive préoccupation à propos des sanctions prises par les pays partenaires et ayant paralysé divers secteurs, dont celui de la santé. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le Parlement réagissait à la déclaration du Parlement de la francophonie réuni au Québec, au Canada, début février de cette année, où il s'exprimait sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le point avec Alain Désiré Boukayenez. Le Parlement burundais dit être satisfait de la situation sécuritaire après les événements de l'année 2015. Les parlementaires apprécient la déclaration de la délégation de l'Union africaine de février 2016 qui a proposé de privilégier le dialogue politique pour trouver un compromis aux problèmes qui divisent encore les Burundais. Le Parlement dit réitérer son soutien au dialogue tant interne qu'externe, disant être satisfait du récent round à Arusha. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Au niveau externe, le dialogue est piloté par la facilitation désignée par la communauté est-africaine qui vient d'organiser sa quatrième session à Arusha. Les participants à cette session ont noté avec satisfaction les avancées positives déjà réalisées. En outre, certains leaders politiques qui avaient pris le chemin de l'exil ont décidé de rentrer au pays. Quatre personnalités politiques ont déjà regagné le pays. Ce communiqué fait également état des préoccupations du Parlement par rapport aux sanctions des pays partenaires, ce qui pour lui affecte les domaines variés, dont celui de la santé. Joki Chantal Nkurunziza. Le Burundi s'est vu imposer des sanctions injustes par certains de ses partenaires extérieurs. Cela affecte énormément la population dans des domaines variés comme la santé, l'éducation, l'appui au développement durable. C'est pourquoi le Burundi a besoin d'un soutien économique. Les parlementaires appellent à l'Union européenne de donner équitablement l'aide aux Burundais internes et aux réfugiés. Le Parlement de la République du Burundi demande que l'aide humanitaire accordée par l'Union européenne soit destinée à toute la population burundaise, c'est-à-dire les Burundais réfugiés et ceux rester au pays. Car priver de l'aide humanitaire au Burundi rester au pays et augmenter cette aide en faveur des Burundais en exil pourrait être interprété comme un encouragement à quitter le Burundi. Le Parlement burundais appelle à celui de la francophonie d'envoyer une délégation au Burundi. Alain Désiré Boukayeneza, sachez que dans sa déclaration, le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est dit très inquiet des données diffusées par le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et faisant état de plus de 300 cas d'exécution extrajudiciaire et plus de 600 cas de torture entre avril de 2015 et avril de 2016. Ce bureau a maintenu la mise sous observation à titre préventif et la suspension de la coopération institutionnelle prononcée par l'Assemblée plénière réunie à Berne en juillet 2015. Ce bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a par ailleurs annoncé qu'en cas de poursuite des violations des droits de l'homme par le gouvernement burundais et du maintien de sa volonté de se dissocier du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du Haut Commissariat des droits de l'homme, il recommandera la suspension de la section burundaise lors de la prochaine assemblée plénière. Et le Parlement CNDDF, le parti CNDD-FDD a sorti une déclaration ce 24 février dans laquelle il a réaffirmé sa volonté de dialoguer à chaque fois qu'il y a un désaccord. Cependant, le parti CNDD-FDD déplore que le facilitateur ait invité dans les assises de la dernière session du dialogue interburundais d'Arusha des personnes poursuivies par la justice. Dans la même déclaration, le parti CNDD-FDD indique que son refus à dialoguer avec les individus recherchés par la justice est sans appel au parti CNDD-FDD de préciser dans cette déclaration rendue publique ce 27 février qu'il soutient cependant les activités de la Commission nationale de dialogue interne. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et c'est ce mardi que la plateforme des opposants en exil SNRED va se doter de nouveaux organes du comité exécutif. Jérémy Minani, chargé de la communication, explique que le mandat des organes sortants avait pris fin le 25 janvier et d'ajouter que les nouveaux dirigeants auront comme dossier principal la question du contentieux entre cette plateforme et le facilitateur Mukapa pour un bon processus du dialogue d'Arusha. Suivez-le au téléphone avec Placide Niomongere. Le mandat de ce comité exécutif a pris fin le 25 janvier 2017. Mais comme les membres du directoire qui mettent en place le comité exécutif n'étaient pas prêts à se réunir, et nous avons décidé de prolonger le mandat du comité exécutif sortant pour une durée d'un mois. C'est-à-dire que le mandat du comité exécutif sortant prend fin demain. Et c'est effectivement demain que nous allons mettre en place un nouveau comité exécutif. Est-ce que cette prolongation ne serait pas la cause de certains membres du Sénat de quitter cette plateforme? La prolongation du mandat ne peut pas être une raison, surtout que cette prolongation a été faite conformément au règlement d'ordre de l'intérieur du Sénat. C'est ce mardi que la plateforme Sénat va se doter de nouveaux organes. Et quels sont les dossiers que vous laissez aux nouveaux dirigeants en matière de la poursuite des dialogues d'Arusha? Il y a d'abord la question du contentieux entre le Sénat et le facilitateur Benjamin Mukapa. Ce contentieux n'est pas encore guidé. Il est question pour le Sénat de décider, après quand même les avancées spectaculaires faites par le médiateur dans le dernier round de négociations. C'est des questions alors de voir si le Sénat peut nous donner confiance à la Fédération, peut lever la réfutation. Ça, c'est vraiment la question urgente pour le nouveau comité exécutif. Parce que nous restons convaincus que le dialogue est la seule voie qui puisse trouver une solution durable à la crise burundaise. Est-ce que ça ne serait pas un dossier très difficile alors qu'on voit que le Sénat est presque divisé en matière de ces pourparlers d'Arusha? Au niveau du Sénat, nous sommes une plateforme, nous sommes différents partis politiques. Il doit y avoir des différences sur certains points, mais nous avons un dénominateur commun, le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Nous prenons, nous tous, la mise en place d'un gouvernement de transition qui devra se pencher sur l'organisation des élections crédibles. Et dans la suite de ce journal, le directeur général de l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, appelle les employeurs à calculer correctement les cotisations des travailleurs sur des bases légales. Prosper Bazombanza explique que cela influe fortement sur la pension que le travailleur reçoit à la fin de sa carrière. Suivez-le au micro de Jean-Pierre Misako. Les cotisations sont calculées pour le régime des pensions au prorata de 6% pour le compte du travailleur, mais payé par l'employeur, et au prorata de 4% pour le compte du travailleur lui-même, ce qui fait un total de 10%. Ce pourcentage doit être calculé non pas sur le salaire de base, mais sur le salaire brut, c'est-à-dire le salaire de base augmenté de différentes primes et indemnités, moins uniquement les indemnités ou les allocations familiales. Certaines institutions ou certains employeurs, ou par méconnaissance de la loi, ou par oubli, souvent ils calculent rapidement les 10% sur le salaire de base. Et donc nous allons continuer à travailler ensemble, essayer de rappeler aux uns et aux autres de voir comment cette loi puisse être respectée afin qu'il y ait plus de rentrées, pour qu'il puisse y avoir aussi possibilité qu'il y ait plus de prestations, parce que quand il n'y a pas d'entrée, bien entendu, il n'y a pas suffisamment de sortes. Prosper Bazombanza, c'est le directeur général de l'INSS. Un certain Salvatore Bureguia a été présenté par la police ce lundi matin. Il est accusé d'escroquerie qui vise les ordinateurs portables. Le porte-parole adjoint de la police fait savoir que un groupe de gens se fait passer pour des agents de recrutement des chômeurs. Ils exigent, que, selon toujours Moïse Gronziza, que ceux qui sont en quête du travail leur donnent leurs ordinateurs pour installation d'un logiciel. La police appelle la population à être vigilante. Moïse Gronziza. La police nationale du Burundi a voulu présenter au public une nouvelle forme de criminalité qui est l'escroquerie, qui vise des machines portables. Alors, il s'agit d'un certain Bureguia Salvatore, âgé de 35 ans, qui a été appréhendé en date du 20 février 2017 à 8h30 aux alentours du commissariat général de la police judiciaire. Son malfaiteur se faisait passer comme quelqu'un qui est capable d'embaucher, de donner du travail aux chômeurs et surtout aux médecins sans frontières. Alors, il demande à cette personne qui veut cet emploi une machine portable pour y installer un logiciel qui sera nécessaire pour l'exercice de ses fonctions. Le criminel part avec cette machine. Aujourd'hui, nous avons déjà ici, dans le service chargé de recherche criminelle, déjà 3 plaintes. La police nationale du Burundi a d'abord voulu porter connaissance au public de ne pas céder à de telles tentations et surtout de dénoncer ces personnes. Nous voudrions également interpeller toutes les personnes qui auraient été victimes de venir ici au commissariat général de la police judiciaire, au service chargé de la recherche criminelle, pour dénoncer et pour voir si réellement il ne s'agirait pas de cette personne qui aurait volé d'autres personnes. À la source, reportage. Pas mal de filles sont victimes de violences basées sur le genre et surtout des violences sexuelles en province de Gitega, au centre du pays. Affirmation de l'association Sogé Paillé, Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance, antenne de Gitega, qui précise que de tels cas sont beaucoup plus observés au chef-lieu de la province. La plupart de ces victimes sont des enfants scolarisés. C'est le cas notamment à l'école La Bergeronnette, où un enseignant aurait abusé dernièrement plus de 10 fillettes, même s'il ne l'a pas reconnu comme telle. La justice a tranché, les parents des victimes ne sont pas bien satisfaits, mais le directeur de l'école tranquillise. On va redoubler d'efforts pour suivre de près l'éducation des enfants. Ce reportage est signé Léonce Vitalio. À l'école La Bergeronnette de Gitega, un enseignant a été coupable d'avoir abusé sexuellement 17 fillettes de la 4e et 5e année primaire. C'était en janvier dernier. La justice lui a infligé une peine d'emprisonnement de 30 ans ainsi qu'une amende de 53 millions de francs burundais. Les parents des victimes ne sont pas bien satisfaits. Ils ont allégé la chose alors qu'il fallait en tenir compte puisque ce sont des enfants. C'est l'avenir du pays. Ce que demandent beaucoup plus ses parents, c'est que le gouvernement mette en place une loi qui protège encore mieux les droits des enfants. Et il faut bien s'impliquer. Pour moi, je peux demander à la justice et au gouvernement de s'y impliquer. Les parents de ces enfants affirment toutefois que ce ne sont pas tous les éducateurs qui commettent de tels actes de violence. Et de son côté, le directeur de l'école tranquillise. Selon Dominique Ninina Hazoué, le constat a été que l'infraction a eu lieu au-delà des heures de cours, pendant les cours du soir, et parmi les mesures déjà arrêtées, on a temporairement suspendu ces cours. Maintenant, nous avons arrêté les cours du soir qui se font dans les locaux de l'école. Parce qu'on n'a pas voulu que les essais qui se passent en dehors des heures de service soient toujours collés à l'organisation de l'école. Deuxième mesure, nous avons tenu des réunions avec les parents. Nous avons conseillé aux parents de suivre de près l'éducation de leurs enfants et de développer la communication puisqu'elle ne l'était aujourd'hui. Ladislas Niongabo, c'est le coordinateur de l'ONG locale, Sogé Paillé, Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance, antenne de Gitega. Il estime que ces actes de violence atteignent une allure un peu inquiétante, surtout au chef-lieu de la province. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je dirais que ça commence à prendre une ampleur aussi inquiétante. Monsieur Niongabo appelle tout un chacun à suivre de près l'éducation des enfants pour ne pas hériter un pays à problème. Je lancerai un appel très vibrant aux parents pour qu'ils prennent la responsabilité de leurs enfants, de prendre le temps nécessaire pour éduquer les enfants à la maison, pour avoir une éducation de base. Aussi, nous lançons un appel à la société, parce que si la société ne prend pas garde de ses enfants, nous risquons d'hériter un pays qui connaîtra beaucoup de problèmes, parce qu'on dit qu'on agit comme on a vécu. Pour lui encore, les chiffres des victimes déclarées risquent d'être inférieurs par rapport à la réalité. Il appelle les uns et les autres à dénoncer de tels cas. Merci Léonce Vitalio pour ce reportage qui met fin à ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. La commission Vérité et Réconciliation a commencé l'exhumation des corps de personnes enterrées dans des fosses communes. L'activité qui a débuté par la province de Mwaro ce lundi devrait se poursuivre dans tout le pays. Pour les psychologues, ce travail est très délicat et devrait commencer par la sensibilisation des traumatisations de la population pour éviter que des gens ne sombrent dans la dépression. En réponse à la déclaration du Parlement de la francophonie réunie au Québec, au Canada début février de cette année, le Parlement burundais se dit très préoccupé par les sanctions prises par les pays partenaires et ayant paralysé divers secteurs dont celui de la santé. Le médiateur général de l'Institut national de sécurité sociale et INSS appelle les employeurs à calculer correctement les cotisations des travailleurs sur des bases légales. Et vous venez de le suivre dans ce reportage de Léonce Vitalio. Il a été question des violences basées sur le genre et dont sont victimes principalement les enfants scolarisés au chef-lieu de la province de Guitéga. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Toussaint Mitavouti pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.